On va parler de hockey, on va parler des Marquis Joker avec notre ami de CKJ, Dominique Bolduc. Salut Dominique! Okay. Dominique, en fin de semaine, encore une fois, la belle saison des Marquis se poursuit, quoi? Oui, exactement, la belle saison se poursuit. Moi, j'avais prédit au début de la saison une saison de progression. Ben, je pense que l'équipe a progressé un peu plus vite que je pensais présentement. La défensive marche à un niveau vraiment incroyable. Seulement 40 buts accordés en 17 rencontres depuis le début de la saison. 5 victoires d'affilée, 8 victoires dans les 9 derniers matchs. Et ce week-end, encore 2 gains, un contre Cornwall 5-1 et un samedi contre Trois-Rivières par la marque de Cornwall. Comment ça s'est passé dans le match de 5-1 contre Cornwall? C'était un match assez tranquille. Cornwall est une équipe de dernière place qui devait être pris au sérieux parce qu'ils avaient remporté deux des trois de leurs trois dernières rencontres, dont la dernière contre Tottenham. Donc les Marquis devaient prendre ça au sérieux. Ça a été un match qui était le début a été joué sur les unités spéciales puisque les Marquis ont ouvert la marque en désavantage numérique. Cornwall a créé l'égalité eux aussi en désavantage numérique. Et par la suite, ça a été l'affaire des Marquis là, qui ont pris l'avantage de la glace et l'avantage du match puis ils l'ont remporté. OK. Si on parlait maintenant de l'autre match. Le match à Trois-Rivières, on s'attendait à un match avec un petit peu de braves camarades, puisque la semaine précédente, on était allé, Trois-Rivières n'avait pas de pugiliste, était allé en chercher un durant la semaine en cloutier. Malheureusement, il a été suspendu le vendredi, donc il n'était pas là samedi. Il y avait quand même Hubert Poulin, mais il voulait pas vraiment se battre, là. Il voulait juste jouer son match. Donc, il n'y a pas eu de combat dans le match. Et les Marquis qui ont eu encore plus la mesure, là, encore une fois, la défensive qui a très bien travaillé, puis l'offensive qui a pris les devants rapidement, une victoire de 4. OK. Si on parlait maintenant de la nouvelle qui a fait parler hier à travers tout le Québec concernant les Marquis de Jonker, on en a parlé un peu lorsque les Marquis avaient fait la question. Alex Bourret, qui était un choix de première ronde des Thrashers d'Atlanta, avait connu une brillante carrière au niveau junior, un choix de première ronde dont toutes les attentes étaient... Puis c'était, si je me rappelle bien, c'était un choix très haut, là. Je pense qu'il avait été quoi, quelque chose comme 10e, quelque chose de même? Ouais, mais il avait été répertorié 10e, il est sorti 10e. Il mentionnait même que lorsqu'on voit un reportage de TVA Sport, lorsqu'il est sorti en 16e, c'était déjà une déception pour lui. Lui qui venait connaître une grosse saison en Winston, 86 points en 65 matchs. Il s'attendait un peu à plus haut, évidemment une petite déception. Puis là, lorsqu'il est arrivé au camp, il se disait quand même en forme, mais pour l'équipe, il était peut-être pas assez en forme. Il avait peut-être une coupe de livre en trop. Il a pratiqué beaucoup, il s'en est même rendu malade. Puis là, par la suite, il est retourné pour ses 20 ans dans le junior majeur avec les Cataractes de Shawinigan, où il a connu une super saison de 114 points. Par la suite, il est allé jouer dans la Ligue américaine. Il a eu quelques petits problèmes de concentration. Puis là, ça a été la descente aux enfers. C'est pour ça, effectivement. Donc, j'avais pas fini l'histoire. C'est que oui, Alex Bourret a mentionné hier à TVA Sport que la cocaïne, hein, qu'on mentionne de plus en plus, c'est un fléau dans la Ligue nationale de hockey. La cocaïne aurait nuit à la carrière d'Alex Bourret. Quand on regarde ça, c'est quand même très plausible parce que c'est un joueur de talent. C'est un joueur qui a beaucoup de talent. Oui, absolument. Puis comment il se comporte dans la Ligue américaine? Comment est-ce que dans la Ligue nord-américaine, c'est-tu vrai? Parce que là, il joue à la défense, là. Dans la Ligue junior, il était à l'attaque. Est-ce que c'est un bon défenseur pour les Marquis? Oui, c'est un bon défenseur. C'est un défenseur qui est offensif quand même. La première passe est là. Okay. Évidemment, il y a encore un sens offensif très développé. Mais la défensive se débrouille très bien parce que c'est pas vraiment le plus grand. C'est un gars de 5 et 10, environ 200 livres. Mais sérieusement, on voit que tout le talent hockey qu'il a, ça paraît. Il a un bon bagage, puis il le montre très bien. Puis avec les Marquis, évidemment, le début a été un peu timide. Il y avait une adaptation à faire, mais je pense que Claude Bouchard a réussi en sorte de positionner vraiment à la perfection. Il fait du très beau travail avec les Marquis. OK. La grosse nouvelle également, c'est Loïc Lacasse. Loïc Lacasse, qui est un... Je connais son nom parce que c'est un choix de 5e ou 6e ronde du Canadien, qui appartient maintenant au Marquis de Jonker, a été sélectionné joueur par excellence de la semaine. Oui, Loïc Lacasse qui est vraiment sur le mettre son arbre depuis le début de la saison. Je savais que lorsqu'on a fait son acquisition, qui allait être un bon gardien, lui qui a toujours été considéré comme un des meilleurs gardiens de la Ligue, sauf qu'il était toujours dans des équipes qui connaissaient la difficulté. Maintenant qu'il est avec les Marquis de Jonker, c'est une équipe avec une bonne défensive, avec une bonne attaque, Donc, ça lui facilite un peu la tâche, puis juste avoir la fiche qu'il y a depuis le début de la saison. 9 victoires, 4 défaites, un jeu blanc, moyenne de buts alloués de 2,28. Écoute, il y a des gardiens de la Ligue nationale qui ont une moyenne comme ça. Puis, la Ligue nord-américaine, où il se marque 3, 4, 5 buts par match, avoir une moyenne en bas de 3, c'est tout simplement incroyable. Un pourcentage d'arrêt de 913. Présentement, avec la carte, là, fait partie de l'élite là, dans la Ligue nord-américaine. C'est le bon augure pour le reste. OK. Ben, Dominique, Bozic, on se parle demain sur les ondes de CKJ. On va vous passer des extraits d'entrevue. J'ai dit avec Lucien Boutet. On a Dominique Bozic de CKJ.